pense. J'écoule les bails sans consiste. Si j'arrête le rap, c'est pour me repentir. Mais quand je fais du sale, je veux le double de ton salaire. Oh, ils sont tous dépassés. Oh, je vous ai dépassé. Le game, je vais les dépasser. C'est bam bam bam, sans tes gros ton cul cassé. Hein? T'es rentré dans le game et par ses fesses. Il va clair parce que j'ai pas de la tête. Dans le hood avec mes hoodies. Dans le hood avec mes hoodies. Dans le hood avec mes hoodies. Tu vas clair, y'a que des bandits. Brouillon, c'est le fire. Que des pirates venus d'ailleurs. C'est sur toutes tes qui maintenant que le mal est fait. On reconnaît l'ennemi, mais on ira les faits. Moi j'ai peur de Dieu, ils ont peur de WAM. J'crois que les petits vous fait trop de mal.